Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 23 mars 2022. Voici les grands titres de cette édition. La société East Africa Region Project Group promet de subventionner le projet d'exploitation du nickel de Moussongati et des minerais associés à hauteur de 1,5 milliard de dollars par an pour une période de 10 ans. Vous aurez des précisions dès le début de ce journal. Et le ministère de la Santé publique promet d'approcher ses partenaires pour que certains médicaments de spécialité soient disponibles gratuitement en faveur des personnes ayant des maladies chroniques et non transmissibles. Et le prix du pain est passé de 2000 à 2300 burundais. Et l'on explique cette hausse par la montée excessive du prix d'un sac de farine. Et dans la chronique sur les messages de haine, un spécialiste viendra nous expliquer comment la globalisation peut conduire à la violence de masse. Voilà pour le sommaire. Bonjour, je venais de vous le dire, le Conseil des ministres extraordinaire tenu ce mardi a adopté le projet d'exploitation du nickel de Moussongati et des minerais associés par la société East African Region Project Group. Cette société est prête à louer un paquet de 1,5 milliard de dollars par an à titre de subvention financière pour une période de 10 ans. Prosper Nhaurgwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, précise que le mémorandum d'entente a duré 2 mois. On l'écoute. La société East African Region Project Group a manifesté la volonté d'investir dans le secteur minier pour faire l'exploitation du nickel de Moussongati et des minerais associés. En 2018, le gouvernement du Burundi a accepté de signer un mandat avec cette société pour mobiliser des financements pour ce projet visant l'exploitation de ces gisements. Actuellement, cette société confirme que les fonds nécessaires sont disponibles et qu'elle est prête à allouer un paquet de 1,5 milliard de dollars américains par an à titre de subvention financière pour une période de 10 ans, soit 15 milliards de dollars américains. Ces fonds seront répartis comme suit. East African Regional Group versera annuellement pendant 10 ans un montant de 500 millions de dollars américains, soit 33,3% à l'État du Burundi, qui doit être comptabilisé en recettes budgétaires de l'État à titre de redevance sur le nickel de Moussongati. 15% de ces fonds seront utilisés pour des projets d'intérêt public initiés par les partis. 51,7% serviront à l'exploitation du nickel. Ce mémorandum d'entente concerne la mise en œuvre du projet. Il précise entre autres les modalités de financement du projet et d'exploitation du gisement ainsi que les engagements des parties. Ce mémorandum d'entente aura une durée de 2 mois. Dépasser ce délai sans transfert des fonds de la première tranche à la Banque centrale, ce mémorandum deviendra caduc. Il convient de signaler que lors de l'analyse de ce dossier dans la réunion préparatoire du Conseil des ministres tenue le lundi 21 mars 2022, les recommandations suivantes avaient été formulées. Simplifier le mémorandum en expurgeant tous les détails inutiles. Ajouter une disposition qui précise que la garantie de financement sera matérialisée par un dépôt de fonds en espèces auprès de la Banque centrale. Mentionner que les différends ou réclamations seront réglées à l'amiable ou conformément aux lois nationales. Il avait été demandé au ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines de finaliser rapidement le projet en vue de sa présentation dans la réunion du Conseil des ministres du mardi 22 mars 2022. Après analyse de ce projet au travailler, le Conseil des ministres l'a adopté. Prosper Nhaurgwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida compte dissiper, mettre en application la politique de prise en charge médicale des diabétiques et hypertendus adultes. Le directeur du programme national de lutte contre les maladies chroniques et non transmissibles explique que cette politique vient en réponse aux doléances de cette catégorie de malades qui date de longtemps. Docteur Jean Dodieu Havdarimana tranquillise cependant ceux qui ont des inquiétudes par rapport à la liste des médicaments proposés à ces malades âgés de 25 ans et plus. Suivez Docteur Jean Dodieu Havdarimana au micro d'Evariste Nzikolanyanga. Depuis 2012, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, via le programme, avait signé une convention avec une ONG appelée Life of Child pour justement prendre en charge les enfants de 0 à 25 ans qui souffrent du diabète ou de l'hypertension. Et à partir de cette année-là, on nous donnait des dons de médicaments pour ces enfants. à chaque fois qu'on donnait ces médicaments, il y avait toujours des demandes des personnes plus donc âgées, donc à partir de 25 ans, pour qu'elles puissent bénéficier de ces médicaments, de cet appui à médicaments contre le diabète et l'hypertension. C'est de cette motivation qu'on a cherché à notre partenaire, Bayer, qui s'appelle Direct Relief, qui a accepté cette fois-ci de donner ou de financer cette activité louable pour les personnes âgées de 25 ans et plus. Vu la liste de médicaments, on constate qu'il y a ceux qui vont prochainement expirer et les gens pensent que le ministère aurait l'intention d'écouler ces produits pharmaceutiques. Est-ce que cela est vrai? Moi, je dirais que ça, ce sont de mauvaises intentions que les gens font circuler sur les réseaux sociaux. S'il en était ainsi, le ministère, quand il a demandé au médecin chef de district de disponibiliser la liste et les quantités pour justement approvisionner les districts pour que les personnes ou les malades de cette pathologie aient accès à ces médicaments, on aurait tout simplement donné les médicaments ou bien le long qui devrait être permis. Même vous avez vu que même dans la liste, on a donné toute une gamme de médicaments que nous disposons, qui ont été donnés. Et vous avez vu qu'il y a des médicaments, les délais de vie va aller jusqu'en 2024. Donc pour ne pas dire que c'est la péremption qui a occasionné ça. Les médicaments dont vous disposez sont des génériques. Il y a ceux qui disent que les médicaments génériques ne guérissent pas de la même façon que les spécialités. Les génériques et les spécialités ont le même rôle vis-à-vis de la maladie qu'ils doivent traiter. Pourquoi? Parce que ceux qui comptent dans un médicament ne sont pas les expiats, c'est le principe actif qui agit sur une maladie donnée. Or, les génériques et les spécialités ont un même principe actif. Moi, j'ai des enfants. Quand je dois les traiter, je n'utilise jamais de spécialité. Et mes enfants guérissent comme les autres enfants qui prennent ces spécialités. Est-ce que ce programme a pensé aux diabétiques qui sont sous traitement des insulines? Franchement, à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas eu de promesses pour les médicaments injectables, donc les insulines ou les antihypertenseurs injectables. C'était Dr Jean Dodieu Abdarimana, c'est le directeur du programme national de lutte contre les maladies chroniques et non transmissibles. Il est 13h04 à Bujumbura et sur Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Les abattoirs clandestins favorisent la recrudescence des cas de vol en commune Matana de la province Bururi. Au moment où les bouchers de cette commune demandent que l'abattoir moderne inauguré depuis environ 2 ans soit fonctionnel, le secrétaire exécutif permanent de cette commune fait savoir qu'ils sont en train de chercher les moyens financiers pour alimenter d'abord cette infrastructure en eau potable. La question faisait objet d'échanges ce mardi à Matana au cours d'une réunion organisée par le cabinet du gouverneur de la province de Bururi en collaboration avec les députés et sénateurs élus dans la circonscription de Bururi. Zénon Zambuman. Au cours de cette réunion de ce mardi à Matana, qui était centrée sur le développement de la province de Bururi, certaines des autorités policières et voix en commune de Matana ont soulevé la recrudescence des cas de vol du bétail. Certains bouchers qui vendent les viandes au marché de Matana en provenance des abattoirs clandestins seraient parmi les auteurs de ces cas de vol. C'est au moment où un abattoir moderne de Matana, inauguré le 26 août 2020, n'est pas encore fonctionnel suite au manque de l'eau potable. Les bouchers et voix au marché de Matana qui sont pointés du doigt demandent que cet abattoir soit alimenté en eau potable. Jean Bosco Matole, secrétaire exécutif et permanent de la commune de Matana, fait savoir que la commune est en train de chercher les moyens financiers pour alimenter cet abattoir en eau potable. Mais en attendant, aucun boucher sans écrit signé par les élus culinaires de la localité où le bétail sera abattu ne sera autorisé de vendre les viandes au marché de Matana, ont proposé les participants à cette réunion. Dans le but de réduire d'autres cas de vol dans les boutiques et ménages signalés dans la ville de Matana, les participants à cette réunion ont demandé l'installation des lampes veilleuses sur les clôtures et aux commerçants d'engager les veilleurs. Le gouverneur de la province de Bururi, colonel Lundas Mandezamaso, a demandé au comité mixte de sécurité de travailler convenablement pour renforcer la sécurité dans toute la province de Bururi. Depuis Bururi, Zenon Zambimana pour la radio Isanganiro. Merci Zenon Zambimana. Et environ 2 millions de nouveaux plants de caféiers ont été plantés en province Ngozi l'année passée dans le but de multiplier le nombre de caféiers et remplacer les vieux pieds dans cette province qui en compte actuellement plus de 29 millions. En vue d'éviter le désintéressement des caféiculteurs, la coopération suisse projette planter de nouvelles superficies, d'après le gouverneur de cette province, et élaborer des projets générateurs de revenus aux ménages ayant disponibilisé les terrains en attendant la récolte de ces caféiers. La population salue ce projet car il y en a qui commençaient à les remplacer par des cultures vivrières. Apollinaire Mouzagara. L'administration territoriale est chargée de la laïcité en province où on dit renforce l'encadrement des caféiculteurs de cette province ces jours-ci pour qu'à leur tour, ils s'attellent davantage à cette culture. Le gouverneur de la province où on dit après le constat d'un désintéressement pour certains en substituant le café par différentes études vivrières ou en ne l'entraînant pas carrément, il y en a pourtant. Selon le gouvernement de la Ramiqua, qui ont attaché une grande importance à cette culture en plantant l'an passé 1 989 nouveaux pieds cafés, ce qui fait qu'au total, la province de Mongi compte actuellement 29 395 440 cafés. Ces contacts ont été faits avec la coopération suisse en vue d'encourager les capacités d'Ongozi à planter dans des spécificités, indique le gouverneur de cette province. Les ménages concernés bénéficieront de petits projets leur permettant de nourrir leur famille en attendant que ces caféiers atteignent la période de récolte et quittent l'espoir de la nuit. Chose accueillie à bras ouverts par les caféiculteurs de cette province. Donc on dit à Premier Mbagara, Sadio Sanganis. Merci Apollinaire Mouzagara. Et les femmes devraient être associées dans la gestion des biens de la famille, ce qui n'est pas souvent le cas en commune de Bougabira de la province de Kirundo. L'administrateur de cette commune appelle les pères de famille à éviter des conflits liés à cette mésentente car le développement familial concerne tout le monde. Agnès Naumagadze. Comme l'indique Eric Etkwizelimana, la plus grande partie des ménages de la commune de Bougabira vivent de l'agriculture et de l'élevage et ce travail s'effectue par tous les membres de la famille. Eric mentionne qu'il arrive que la femme est exclue dans la gestion de la récolte et autres biens de la famille. Certaines femmes de la commune de Bougabira disent que son manque du rôle dans la gestion de la récolte et bien foncier a fait que certaines femmes vivent dans un climat de conflit et de mésentente avec leurs époux, où certaines ont préféré se plaindre auprès de l'autorité administrative et d'autres se résigner de peur d'être battus ou répudiés. Les hommes de cette commune qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro disent que c'est la tradition, l'homme doit être le responsable de tous les biens de la famille, car en cas de famine, c'est lui à qui l'on demande de quoi nourrir la famille. Eric Etkwizelimana indique également que ce problème et parmi les types de conflits qu'il reçoit fréquemment en se référant aux effectifs où 6 femmes se présentent à son bureau par jour se plaindre de ce problème. Eric ajoute que dans ces cas, il punit par la suspension de vente des biens de la famille et s'il arrive que l'homme de la maison a vendu ses biens pour le concubinage, il est puni par une amende et que cette relation est souvent interdite dans la commune. Tkizelimana interpelle les ménages de cette commune à vivre dans l'harmonie et échanger ensemble sur le projet du développement familial. Depuis Kirundo, Agnès Nhomagadze pour la radio Isanganiro. Merci Agnès. Toujours dans la nouvelle des provinces, la plage de pêche moderne de Rutumo en commune de province Rumonge commence ses activités de congélation, de fumage et de séchage des poissons au début du mois d'avril prochain. C'est après 2 ans que cette plage moderne connaît des problèmes autour de sa gestion, selon Gabriel Boutoyi, président de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi. Il informe que désormais l'achat ou la conservation du poisson à froid ou à sec sera aisé. Jean-Pierre Misago. Dès le 1er avril prochain, les 2 chambres froides pouvant congeler le poisson jusqu'à moins 18 degrés Celsius et d'une capacité de 3 tonnes chacune, les machines et les fours servant dans le fumage des poissons, ainsi que la machine à glace et les clés de séchage seront fonctionnels à la plage moderne de Rutumo. Ces matériels serviront dans la conservation des poissons qui pourront être vendus en bon état pendant la période de repos, dit Gabriel Boutoyi. À ceux qui pensent que son débarcadère n'aura pas assez de poissons pour être permanent dans ses livraisons, le président de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi rassure que même les importations de poissons seront faites à partir des pays voisins pour assurer une livraison pérenne de poissons par ce centre. Les portes sont ouvertes à toute personne qui voudrait conserver ses poissons dans ce centre, à commencer par la communauté des pêcheurs gestionnaires de ce centre, tout en remerciant le ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage pour avoir accordé la gestion de ce centre à la communauté des pêcheurs 2 ans après qu'un privé ait tenté de s'en approprier. Gabriel Boutoyi voudrait que d'autres plages, à commencer par Kabonga, soient dotées d'un tel équipement moderne. Jean-Pierre Misago, depuis Rutumo, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Le prix du pain est passé de 2000 à 2300 francs burundais. L'on explique cette hausse par la montée excessive du prix d'un sac de farine qui coûte aujourd'hui 67 000 francs burundais contre 57 000 avant. La présidente de l'association des boulangers artisanaux, Mariam Ndaisenga, demande au ministère en charge du commerce de suivre de près cette question. La farine augmente le prix au moins 3 fois la semaine. Avant, nous l'achetions 57 000 francs, mais aujourd'hui, c'est 67 000 francs par le sac, ce qui est grave. Aussi, en analysant de près, la matière première est devenue très chère. Quand nous demandons, on répond que le prix de farine a augmenté, que c'est acceptable, et nous doutons de sa carence les jours à venir. Nous ne savons pas le pourquoi. Nous devons poser cette question à l'État pour qu'il puisse nous aider. Nous travaillons à perdre la hausse du prix de pain. Le pain qui était acheté à 1 000 francs, c'est 1 300. Et celui de 2 000 s'achète aujourd'hui à 2 300 francs. La matière première utilisée dans la production du pain est devenue très chère. Nous demandons à l'État et au ministère du Commerce de se rendre sur terrain et surveiller de près la situation afin de prendre la décision qui s'impose. C'était Mariam Ndaisenga, présidente de l'association des boulangers artisanaux. Et quelques nouvelles nationales et internationales en bref avant la chronique sur les messages de haine. Un homme d'une trentaine d'années est mort, électrocuté le soir de ce mardi au chef-lieu de la commune Bougenyuzi en province Karusi. Les habitants de la localité disent que cet homme de la zone Rugazi, de cette même commune, a été électrocuté lorsqu'il allait sur le toit d'une maison pour y installer une plaque solaire. Le toit étant sous des fils conducteurs transportant du courant électrique de la régie des eaux. Le chef d'antenne provinciale de la régie des eaux confirme cet incident et signale que la dite maison a été construite sous des fils haute tension alors que cela est interdit. En international, l'ex-responsable militaire des anti-balaka Maxime Mokom a comparu ce mardi devant les juges de la Cour pénale internationale. Arrêté au Tchad fin février, il avait été envoyé à La Haye le 14 mars sur la base d'un mandat d'arrêt confidentiel émis en décembre 2018. Il est soupçonné de crimes contre l'humanité, crimes de guerre commis en 2013 et 2014 en Centrafrique. Sa première comparution destinée à vérifier son identité et l'informer de ses droits n'aura duré qu'une trentaine de minutes. Les juges ont annoncé que les audiences de mise en accusation auront lieu en janvier 2023. Et les talibans ont ordonné ce mercredi 23 mars la fermeture des collèges et lycées afghans pour les filles, quelques heures seulement après leur réouverture. Une volte-face qui a provoqué la confusion et la déception des élèves, comme le rapporte l'AFP. Parle, rassure-moi. La globalisation, c'est le fait d'attribuer des actes à un groupe sans toutefois responsabiliser individuellement. Jean-Claude Ngondwa, expert en matière de paix et réconciliation, dit qu'il en découle la fabrication des messages de haine et le risque de violence de masse, surtout lorsque cette globalisation émane des leaders. Et pour déconstruire, il faut des sensibilisations dans tous les domaines, comme au niveau des partis politiques ou des écoles. Ornella Mocho. La globalisation des actes historiques, c'est le contraire de distinguer les responsabilités individuelles. Jean-Claude Mundwa, expert en matière de paix et réconciliation, précise que cela peut désorienter toute une société au niveau des croyances, ce qui provoque la fabrication des messages haineux jusqu'aux violences de masse. Dans un contexte post-conflit, quand par exemple la globalisation vient d'une autorité qui est très respectée et influente dans une société, donc là, on s'attend qu'une grande masse de la population qui est derrière cette autorité va croire à la lettre ce qui a été dit par cette autorité et ils vont agir même, la population peut agir même à base de ces discours de globalisation et c'est là où même on peut trouver des cas où des communautés peuvent se confronter, il y a de la violence et ça peut être difficile même à éradiquer. C'est qu'il peut y avoir des cycles de violence. Il va y avoir des réponses de globalisation, des groupes contre d'autres groupes. Et là, ça va causer des dommages au niveau social, même des familles, au niveau des institutions. Et même, ça peut même déstabiliser tout le pays. La déconstruction passe par l'éducation et les sensibilisations dans le but de mieux comprendre les conflits pour mieux les prévenir. Par l'éducation, par l'information et par des sensibilisations. Les radios, par exemple, ce que vous êtes en train de faire, peut continuer à déconstruire les stéréotypes et les préjugés pour que ceux qui ont été intoxiqués par le message de globalisation peuvent distinguer les responsabilités des uns des autres. Ça peut se faire aussi au niveau des ONG quand ils font des formations. Ça peut se faire aussi au niveau des écoles, au niveau des églises et au niveau des partis politiques même. Donc pour déconstruire les stéréotypes et les préjugés. Différents experts en matière de paix et réconciliation signalent que les guerres observées dans différents pays naissent le plus souvent de la globalisation des actes historiques. Merci Ornella Hamucho. Il est 13h18 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont aidé à le réaliser. Merci à Séraphine Akizimana pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Ndouimana, passez un très bon après-midi.